Le mot que Critélaos, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, attribue à Démosthène, Caius Gracchus, dans un discours qu'il prononça contre la loi Ophéia, l'attribue à Démade. Voici le passage. Dans la Grèce, un poète tragique se glorifiait d'avoir reçu un grand talent pour une seule pièce de théâtre. Le plus éloquent des orateurs de cette époque, Démade lui répondit : Quoi ? Tu regardes comme un prodige d'avoir reçu un talent pour avoir parlé ? Et moi, pour me taire, j'ai reçu du roi 10 talents. Il en est de même ici. Ceux qui se taisent se font payer le plus cher.